rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Abdal Malik. Et qu'Allah bénisse la France. On n'est plus qu'à quelques jours maintenant de la sortie. Si je dis pas de bêtises, c'est 6 jours. Puisqu'hier, on était à J-7. Exactement. Donc 6 jours avant la sortie. Lundi, sortie également de la bande-son. Qu'Allah bénisse la France. Comment ça va, Malik, ce soir? Ça va merveilleusement bien. Je vois que tu es bien entouré ce soir. Hein. Bah, disons que c'est chaleureux ce soir. Ce soir, ça te rappelle des souvenirs? Ce soir, ça rappelle des souvenirs. Oui, ça rappelle des souvenirs. Après, il fallait tenir tout le monde, toute l'équipe sur le tournage. Eh oui, exactement. Il y en a qui étaient dissipés d'ailleurs, sans dire de nom tout de suite. On va y venir. Qui étaient dissipés? Ouais. Non, il y a Mike qui était un peu dissipé, mais j'ai dû le corriger un peu et tout allait bien. Mais sinon, non, je rigole, tout le monde était bien. Bon, en tout cas, ce soir on attaque le Planète Rap, un gros Planète Rap avec les comédiens, pas tout le monde, mais une bonne partie du cast du film qui sortira mercredi. Exactement, il y a Laroussi, LAR qui est là, il y a Mike qui est là, il y a Matteo Falcon qui est là, il y a Stéphane Sidi Akil qui est là, et puis il y a Marc Zynga, Sabrina Ouazani. Quel casting! Et toute l'équipe, Bilal, tout le monde. Tu peux tourner le deuxième volume dès ce soir, Malik. Tu peux y aller. Ouais, tu peux sortir la caméra. Ça commence ici dans le studio. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. On est retransmis sur le net. C'est un autre film. Puisque Marc était venu tourner une scène ici d'ailleurs dans ce studio. Marc, ça va bien? Ouais, ça va. Merci et toi? Bah, ravi de te retrouver. En tout cas, bravo pour la prestation incroyable. Hein, qu'Allah bénisse la France. Ouais. On l'a dit depuis le début de semaine. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Merci. Bon, tout va bien? Ouais, super content d'être là. Tu vas nous lâcher un petit freestyle, évidemment, hein, ce soir. Il est OP, il est prêt, il est venu pour ça. Ce soir, tu nous lâches un 16, comme on dit dans le milieu. Hein, Malik, qu'est-ce que tu penses, un 16, un 32, un... C'est quoi? Non, lui, peut-être va falloir au moins 30 minutes de freestyle, parce que quand il commence, il s'arrête plus. Ah ouais, le mec, c'est... Ah, il kick. Aïe, aïe, aïe, aïe. Freestyle anthologie, quoi. La pression. Sabrina, rigole pas trop, parce que tu vas faire les chœurs. Non. Ah non, moi, je suis horrible. C'est horrible pour moi. Bah attends, tu joues le rôle de Wallen. Eh ben oui. Ben oui, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas la voix qui va avec. Bon, bah bienvenue Sabrina aussi, parce qu'on t'a pas salué, ça va? Oui, très très bien. Toi aussi, tu illumines ce film, hein, Malik. D'ailleurs, le casting, alors Marc, on a parlé un petit peu, c'est vrai que tu l'as choisi en voyant le film sur Canal Mobutu, hein, où il joue le rôle de Mobutu. Totalement. Sabrina, tu l'as choisi. Ben, Sabrina, c'est simple, au départ, il y a Wallen qui me dit, quand j'écris et tout ça, elle me dit, écoute-moi bien. La personne qui va faire mon rôle, c'est Sabrina et personne d'autre. Ah oui, coup de pression. Alors déjà, d'entrée, ça commençait comme ça. Coup de pression à la maison. D'entrée. Mais en même temps, Sabrina, elle est tellement talentueuse. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait depuis l'esquive, c'est quelqu'un... Voilà, à chaque fois, je le dis, que soit Marc ou elle, ce sont vraiment des acteurs de la nouvelle génération, des acteurs rares, des acteurs forts. Une nana du 9-3, comme Wallen. Comme Wallen, ouais, c'est pour ça qu'il... Voisine. Bah, l'une vient de la Courneuve, l'autre de Boboche. C'est ça. Exactement. C'est le patriotisme du 9-3. Ça a joué. Patrimoine, ouais, du ghetto. Ça, en fait. Voilà. Il y a le petit. Ça, tu vois, on parle tout le temps du 9-3 d'une manière négative, mais il y a aussi des petits réseaux, hein, dans le 9-3. Hein. Ben voilà, par exemple, là, il y en a un qui est particulièrement influent. Ouais, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Alors pourquoi, Wallen, je vais te poser la question, pourquoi Sabrina, le choix de Sabrina? Bah écoute, Sabrina, pour moi, c'est l'actrice française la plus talentueuse sur la place. Non, vraiment, quand elle apparaît, je trouve qu'il y a une vraie magie, en fait. C'est ce qu'elle a en plus, je trouve, par rapport aux autres. Elle a un vrai charisme, un charisme tranquille. Mais vous connaissiez toutes les deux ou tu l'avais juste vue, toi, Wallen, sur ses différentes prestations au ciné? Tu l'as comme ça? Je l'avais vue, oui, je l'ai vue dans d'autres prestations, notamment dans le film Inch'Allah, qui est magnifique. Je sais que c'est un film qui te tient à cœur en plus. C'est vrai. Oh, voilà. Et si vous me voyez, voilà, je suis en train de rougir là. Ouais, super. Comme la table, film. T'inquiète pas, c'est bon, t'as le niveau et de la puis, table de Planète. Et puis évidemment, l'esquive qui est un classique. Ouais. Et voilà quoi, très. Tu vas ajouter quelque chose, Sabrina, peut-être dire un truc sur Wallen, à ta bercée, je sais pas. Ah non, même moi, c'est plus un secret, je suis totalement fan depuis le début. Ah, mais depuis le début, et ben, elle est exceptionnelle artistiquement parlant et humainement parlant. Bon, bah on va continuer à parler avec tout le monde dans un instant. On va présenter aussi les autres comédiens qui sont là dans quelques minutes. Ouais. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Toutes les histoires commencent comme ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. De retour dans Planète Rap d'ailleurs. De retour dans Planète Rap. Elle est à tes côtés. Elle est là, madame. Ouais. Madame est là. Madame est là. Ça va, Wallen? Salut, ouais. Bon, bah, c'est bien de t'avoir en tout cas tous les soirs. Ouais, je suis contente. Ouais, moi aussi, parfait, bienvenue. Skyrock. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce. voulais poser des questions aussi, n'hésitez pas. Il y avait une question de Romain que t'as vu passer tout à l'heure. Ouais, qui m'a interpellé particulièrement. Qui t'a interpellé, qui demandait est-ce que le film Qu'Allah bénisse la France est une propagande pour l'islam. L'idée, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, sont des religions françaises en fait. Et ce qui est merveilleux en France, c'est pour ça que ce film aussi s'appelle Qu'Allah bénisse la France, c'est que lorsqu'on est en France, finalement, on peut croire en Dieu, on peut ne pas croire en Dieu, et néanmoins vivre ensemble en paix et en harmonie. Et c'est la France, la République, qui doit s'occuper de faire en sorte que les gens vivent en paix, en harmonie, dans le respect de chacun. Planet Rap. Ce qui était important pour moi, c'est que les gens de, d'abord de mon quartier soient fiers de ce film. Qu'ils aient l'impression que, de se reconnaître, que ce soit eux véritablement. Et puis, pareil, je voulais que tous les gens finalement des quartiers de France, de Lille à Marseille, à Toulouse, ou de toute la France en fait, que les gens aient le sentiment que, voilà, moi je parle vraiment d'eux pour de vrai, avec amour, et je parle de nous. Et ça, c'était important parce que à chaque fois qu'on parle de nous, c'est d'autres où on a un point de vue qui est autre que celui des gens de l'intérieur. Ok, moonwalk linguistique, appelle-moi Mike Jackson, Auster, Aster, Fred, comme la nocturne sur Sky. Déguste-moi ces lyrics, redonner le goût du rap des années 90. Le turfu, c'est mon passé, nouvelle fantastique, je suis mon passant. Ne veux pas, swam le mic. Jordan, Mercantile, Mercury, Fred, we are the champions, my friends. Déguste-moi ces lyrics, redonnez le. Ok. C'est hashtag poésie et urbanisme, le rap et le militantisme, le crack et le libéralisme. Wesh, wesh, yo, quand la douleur se fait lyrique. Planet rap. Voilà, c'était pour hier soir et ce soir, on vous l'a dit, il y a du monde dans le studio entre 20 et 21. Puisqu'il y a pas mal d'avant-premières qui sont organisées. Généralement, tu essaies de prendre aussi les comédiens. Ouais, bien sûr, on essaye de venir. Enfin, surtout avec. On a fait la tournée, surtout avec Sabrina et Marc. On a fait la tournée de province, donc des autres villes, etc. Et c'était merveilleux, en fait. Et alors, puis, on a vécu, nous tous, aussi un moment très fort à Strasbourg. Ah ouais. Où il y a eu la première. Comment dire, c'est l'endroit où les avant-premières ont commencé. Donc on a vu le film là-bas, c'était d'une puissance. Tous les gens qui ont participé au film, et voilà, c'était magnifique, quoi. Tu voulais, t'étais obligé en même temps de le présenter pour la première fois là-bas, dans le quartier, dans le Neuhof. Bien sûr, c'était obligé. J'ai envie de dire, c'était normal, c'était la moindre des choses. Et d'ailleurs, spécial dédicace au Neuhof et à l'est de la France. Et peut-être qu'on peut présenter d'ailleurs ceux qui font partie aussi du casting, avec Marc, avec Sabrina, qui sont là ce soir dans le studio. Bien sûr, on va commencer par Matteo Falcon, qui était là hier. De retour, l'homme d'affaires, Matteo Falcon. Hein. Ouais, l'homme d'affaires, le designer, le MC de ouf. Ouais. Un mec 2.0, puisqu'il a un site internet aussi, je vous rappelle. Ouais, oui. Ah oui, faut y aller. Faut y aller. C'est ça va bien, Matteo. Ça va bien, Fred. Depuis hier, tout va bien, tout roule. Tout roule, ouais. Avec l'équipe, ça fait plaisir. Eh bah, présente-nous la suite de l'équipe, avec peut-être le nom des personnages, le rôle qu'ils jouent. Ah, d'accord. Donc, à ma droite, il y a LAR Laroussi qui joue le rôle de Samir. Il y a Mike qui joue le rôle de Mike. Mais bon, Mike, en même temps, j'ai pareil, un petit mot quand même sur le casting, et notamment sur Mike. Il est assez incroyable dans le film aussi, Mike. Parce ils sont tous dingues. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que bon, la plupart, de Mike à Laroussi, à Sidi Akil, à Matteo Falcon, enfin tous, ils avaient, en vérité, c'est des acteurs amateurs. Ouais, c'est ça. C'était la première fois qu'ils jouaient, et on a vraiment travaillé ensemble, et il y a eu une vraie force, il y a eu un vrai talent qui s'est révélé. C'est-à-dire, pour moi, Mike, il a vraiment révélé quelque chose de fort, LAR également, Matteo Falcon également, Sidi Akil, Stéphane, pareil également, et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'était de dire que on est capable de se réunir et de faire de grandes choses autrement que simplement, comme certains médias peuvent le dire, se réunir pour faire des choses négatives. Mmh. Et c'était important aussi de parler de l'intérieur. Nous tous, on vient du Neuf. Tous ceux-là. Nous tous, on vient de l'intérieur.

au film Qu'Allah bénisse la France. Le film arrive mercredi sur grand écran un peu partout dans toute la France avec ce soir Abdelmalik évidemment, Wallen et une belle partie du casting de film ouais. qui est là. Il y a évidemment Sabrina, Marc qui sont les acteurs principaux. Hein, exactement. Marc d'ailleurs qui a beaucoup bossé sur ton rôle parce qu'il a une intonation parfaite. C'était un sacré boulot ou quoi Marc? Ça a été surtout beaucoup de plaisir, mais non, ça s'est passé assez, naturellement, parce qu'il y a vraiment une connexion forte avec Malik, une belle complémentarité dans le travail, donc ça s'est passé. Toi, tu te souviens, Malik, la première rencontre avec Marc? Ouais, je me rappelle, d'abord j'avais vu son travail et tout, et on était chez le directeur de casting, et j'ai vu quelqu'un avec un sac à dos. Et une veste, c'était... Comment on les appelle? Duffel coat. Bien tenté, Sabrina. Ah, c'était toi, Wallen, en plus, je crois que c'est ça. Tu vois, je me plante entre vous deux. Bien tenté, Wallen, un duffel coat. Donc, un caouet. Avec une veste de pluie. Avec une des chaussures de qui ressemblaient vaguement à des paraboutes. Et des lacets serrés. J'ai vu un grand acteur en mouvement. Et c'était beau parce que moi en fait j'avais vu Marc, j'avais vu Sabrina et je savais qu'indépendamment l'un de l'autre c'était des grands acteurs. Et en fait ce qui m'intéressait c'était de voir la magie, parce que Wallen et moi on a une certaine magie, tout le monde le sait, ensemble. Et il s'agissait de retrouver cette magie là et c'est vrai quand on les a mis ensemble, il y avait un truc qui était beau, qui passait véritablement. Et donc on a fait j'ai eu les essais qu'ils ont fait ensemble et c'était magnifique. Donc voilà, après tout s'est enchaîné de manière fluide et belle. Et voilà, et pareil même quand j'ai bossé avec les autres avec. Bah, d'ailleurs, on n'a pas entendu Mike, parce que quand même Mike, on parle de toi depuis tout à l'heure. Il faudrait quand même, ou même Laroussi, un petit mot quand même de vous qui faites partie des personnages aussi importants dans ce film. Ouais, ben bah, bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise hein? Raconte-nous dans toute ton expérience ciné, c'est la première fois devant une caméra. Ouais, c'est la première fois et c'est une très bonne expérience. C'est quoi? Mets-toi bien devant le micro, voilà. C'est une bonne expérience de travailler avec Malik et ça nous a fait très plaisir de participer à ce film. Content du résultat d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une émotion particulière quand on voit le résultat final? Parce que évidemment, c'est quand on tourne un film, c'est des journées parfois qui peuvent être épuisantes. Il y a beaucoup de prises à faire et quand on voit le résultat final. Ah, on est fiers du résultat final. Ça valait la peine. Si, si. Merci Mike pour cette précision. Et surtout pour cette éloquence. Oui. Merveilleux. mais Laroussi, il peut enchaîner. Il faut que t'enchaînes. Il faut que tu dises comment. Salut Fred, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, tranquillement. Eh bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Toi donc, cette expérience ciné, tu l'as vécue comment? Une expérience de dingue, comme j'en ai jamais vécu. Et ça fait vraiment plaisir. Quand on a vu l'avant-première à Strasbourg, c'était vraiment fort. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça. La salle aussi, ouais, la salle, ça a dû être particulier en plus à Strasbourg. La salle, elle était remplie au point d'en ouvrir une deuxième, qui s'est remplie dans l'heure suivante aussi. Ça allait trop vite. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension, vous qui étiez à Strasbourg justement, quand Malik il est venu? Alors bon, c'est quand même un enfant du quartier, mais de se dire, oh, quelle gueule ça va avoir ce film, est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur que ce soit encore pour nous montrer du doigt? Non, je savais que ça allait pas être pour nous montrer du doigt, parce qu'on sait très bien comment il est Malik, c'est pas quelqu'un qui fait des choses... Comment t'expliquer ça, qui fait des choses négatives quoi. Je savais que ça allait être un bon truc, travailler, réfléchir. Après, plus les jours ils avançaient sur le tournage et plus on voyait à quoi ça les ressemblait un peu quoi. Toi Malik, c'était justement quelque chose de particulier quand t'es venu présenter aussi aux gens, parce que tu nous as dit en début de semaine, un peu tout le monde a participé. Ouais. Pour moi, c'est évidemment il y a des gens qui sont à l'écran et puis il y en a d'autres qui faisaient la sécu, qui s'occupaient de. Tu sais, différentes choses autour du film. À fond. Mais tu sais, nous, on est d'une génération. Aujourd'hui, on est les grands du quartier, si tu veux. Et quand nous, on était gamins, quand on avait leurs âges, par exemple, eh ben, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nos grands qui étaient dans des histoires liées à la drogue, à la cam, etc. Et c'était pas vraiment des modèles et des référents. Enfin, ils le devenaient de moins en moins. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de leur dire à eux et de dire aux autres aussi. De dire qu'en vérité, on peut venir du neuf, on peut venir de n'importe où et on peut réussir notre vie vraiment. Et c'est pas tous en étant rappeur ou sportif ou acteur. Parce que la vérité, c'est de voir qu'on peut se mettre ensemble et faire en sorte que les choses marchent et qu'on peut se battre. Et voilà. Moi, l'un des moments qui a été le plus émouvant pour moi, eux, ils le savent pas, mais nous, on l'a vécu, je l'ai vécu avec Sidi Badr, avec Fabien, quand on était à Toronto et qu'on a eu le prix on a eu le prix du meilleur film le prix international de la critique. Et ben faut bien savoir qu'on était dans une salle à peu près de 400 personnes, que la salle elle était pleine et que le film se termine et les gens se lèvent et ils applaudissent. Il y avait que des Américains. Nous on était émus, c'est-à-dire moi je voyais, je me disais regarde, moi je suis un gars du neuf, j'amène ça là. C'était fou. Et quand on se retrouve à un endroit au photocall là-bas où à côté t'as Denzel Washington, Al Pacino, ouais. Et on dit voilà, Denzel Washington, Al Pacino, Abdel Malik. Tu m'as dit que dans la salle en plus il y avait des acteurs aussi de la série Grey's Anatomy. Oui, je crois. Ça, ça c'était pour toi. Comme eux ils aiment bien même ça. Ah non, c'est vrai, mais peut-être les gens ici ils aiment pas Grey's Anatomy. Ah bah en tout cas, regarde Sabrina, elle a fait un de ses bons quand t'as parlé de Grey's Anatomy. Je suis contente qu'il y ait des acteurs et des actrices de Grey's Anatomy. Mais ouais, ils sont venus. Ils m'ont vu sur grand écran. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est beau. Ah c'est beau. Non, mais en fait, Al Pacino, de ça on s'en fout. Ouais, elle c'était rien tapé de Denzel Washington. Et Denzel. C'est un des... Mais est-ce surtout ce qu'il y avait les nanas de Grey's Anatomy. Non mais voilà. Tu as rassuré Wallen, donc ils ont vu tout va bien. Tout va bien. Non voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, on peut venir du bas, avoir vécu des. Parce que moi je suis un vrai gars du neuf. C'est pas quelqu'un qui était en périphérie ou quoi. Nous on a traîné, on a galéré, on a vu des frères mourir, on a vu des choses difficiles, d'autres tomber pour de grosses peines, des trucs et tout ça. Donc l'idée c'était de dire ok, il y a des choses difficiles, mais on peut transcender notre condition et faire quelque chose ensemble. Donc c'est merveilleux, faut voir comment on a vécu ça dans notre cité au Neuf. Et encore une fois, et je le redirai jamais assez, ce film c'est aussi un hommage à tous les quartiers de France. Ouais. Voilà. Et bah bougez pas dans un instant, continuons à en parler avec une bonne partie du cast qui est là ce soir avec Wallen aussi. On passera quoi Wallen? C'est toi qui es ce soir préposé au morceau. Oui, ah, si. Oui c'est toi. Ah si, c'est toi qui... Non, ah, si. Bon, on va réfléchir alors. Bougez pas, on va revenir dans un instant sur Skyrock, le temps que vous concertez tous les deux. Non, mais tu peux mettre bien ou bien, c'est bien. Bien ou bien dans un instant, bougez pas. Le freestyle par téléphone et l'équipe du film Cala bénisse la France qui sort mercredi, vraiment à pas louper le film. Allez-y en nombre. Allez-y. Dès mercredi. C'est votre film. Et voilà, nous on a fait notre travail. Et maintenant c'est à vous de faire votre part du travail. Vraiment, ça, c'est important. Et ça, la part du travail, c'est à partir de mercredi. Bougez pas, on revient après ça. C'est la suite du Planète Rap. Cala bénisse la France. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, Abdel Malik. Comme toi, Abdel Malik a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré au film Cala bénisse la France. Ce soir entre 20 et 21, dans un instant il y a le freestyle par téléphone 41 759. Pour s'inscrire, on va écouter aussi un morceau. Wallen, ça y est, c'est choisi le morceau? Oui, bien ou bien. Bah bien. Bien ou bien. Bien ou bien, on va lire ce morceau. Extrait de la bande-son qui sort donc lundi. À pas louper. Tiens, je voulais juste en profiter, comme on a aussi Sabrina et Marc qui sont là, parce que ça peut aussi être un bel exemple. Toi, Sabrina, tu viens de la Courneuve. Oui. Je voulais que tu nous expliques un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené vers le cinéma. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de boulot et c'est venu un petit peu, voilà, par chance, par... Eh bien, moi, ouais, je viens de la cité des 4000 à la Courneuve. Mmh. Et en fait, j'ai eu de la chance. C'est ma maman qui a trouvé une affiche en bas de chez moi en emmenant ma petite sœur au parc de la Courneuve l'été. On partait pas en vacances, donc on allait au parc. Et... Bah, il est bien, non, le parc de la Courneuve. Bah, attends, il y a des signes, il y a tout. Non, mais du coup, voilà, c'est ma maman qui a trouvé cette affiche, donc, et qui m'a dit, t'as envie d'essayer. Je dis, ouais. T'avais quel âge, toi? J'avais 13 ans. 13 ans? J'avais 13 ans, et c'était donc pour le casting. De l'esquive. De l'esquive, ouais. Exactement. Donc, casting sauvage, je devais improviser. Et puis, j'ai été. Je me suis dit, ça y est, je suis là, j'y reste. Et on y prend goût, en fait. Et on y prend goût, ouais, ouais. T'avais jamais pris de cours de théâtre? Jamais. T'avais pas été au centre culturel ou de Remont? T'avais pas. Si. Non, j'y allais, mais pour faire de la danse. Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, jamais de cours de comédie. Non, pas de cours de comédie, mais donc voilà, ça s'enchaîne petit à petit. Ouais, du coup, ça s'est bien enchaîné. Avec l'esquive, j'étais nommée meilleur espoir féminin au César. Et du coup, ça m'a permis d'avoir d'autres propositions et de faire plein de belles choses, et j'ai dit voilà, je suis là, je reste. Et le film de Malik, toi, quand tu reçois justement le scénario ou quand on t'en parle et tout, c'est quelque chose que t'as envie de faire tout de suite ou il faut un peu de temps, faut réfléchir, faut... Ah non, quand mon agent m'a appelé pour me dire que Malik voulait me rencontrer et que ce serait pour éventuellement jouer le rôle de Nawel, j'ai tout de suite sauté au plafond. Et puis moi j'avais lu le bouquin, donc j'avais hâte, et en même temps j'appréhendais, mais j'avais hâte de lire l'adaptation et donc le scénario. Et quand j'ai eu le scénario, j'ai eu un véritable coup de foudre, coup de cœur pour le scénar. Et j'avais envie c'était un besoin pour moi de il fallait que j'en fasse partie, quoi, vraiment. Mmh. Pour tous les thèmes qu'il aborde, parce que c'est un film qui est important. J'aurais tenu la paire, j'aurais passé le balai, la figure, n'importe, mais il fallait que je sois là. Et donc voilà, ensuite, s'en est suivi la rencontre avec Malik, passionnante, où on a discuté pendant des heures. Alors Malik, je sais que c'est pas super agréable, surtout quand les comédiens sont là, mais t'avais pensé à d'autres personnes ou pas pour le rôle de Wallen? Mais je t'ai dit que Wallen, quand j'écrivais, elle m'a dit Sabrina. Elle m'a dit ça y est, Sabrina. Toi, tu pensais à personne d'autre en particulier? Il a pas eu le temps. T'as pas eu le temps, ouais, en fait. En fait, c'est ça. Elle m'a pris de vitesse. C'est-à-dire, j'ai commencé, j'ai dit la jeune fille, j'ai même pas écrit Wallen encore. Déjà, fallait accoler Sabrina avec. Donc, c'était mort déjà, c'était fini. Ah ouais, c'est vraiment dès le début, quoi. Blindé. Début. Non, mais en vrai, pour te dire la vérité, avant même que je commence d'écrire l'adaptation. C'est-à-dire qu'on commençait à évoquer le projet et tout, parce que, en fait, la manière dont je travaille, Wallen, c'est mon premier public aussi. C'est-à-dire quand je fais des choses, des projets, je l'en parle, etc. Et elle, d'entrée, elle m'a dit, avant que j'écrive la première lettre, que je pose le premier mot du scénario, elle m'avait déjà dit Sabrina. Donc, ça m'a permis néanmoins de faire mes recherches, de voir à quel point j'avais affaire à une actrice fabuleuse. Donc en même temps, ça a été simple. Rapide, une évidence simple. Ouais, ouais. Puis, en plus, comme elle regarde Wallen, tu comprends. Il y a un moment, c'est genre, vas-y, passe à autre chose, parce que là, tu sais, bon, j'ai non, déjà mais dit. En tu même vois, temps, Sabrina, je l'avais rencontrée, tu sais, avant. Vous n'étiez pas vu ici déjà, tu sais, c'est non, c'était pas ici, vous n'étiez pas vu à Skyrock. Oui, si. Mais il faut raconter Skyrock quand même. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ouais, notre vraie première rencontre, c'était ici, à Mes Planètes Rap. Je te jure. Pour Miséricorde, ouais. Je te jure. Elle était ici, elle est venue. Elle était venue voir Wallen. Elle était venue voir Wallen. Ben oui. Tu te rends compte? Voilà. Quand même, il faut expliquer les origines. C'est incroyable. Mais tu t'en souviens pas, non? C'était quand? Ah bah écoute. Non, de toi, mais pas de moi. Moi, j'étais là. Je me souviens du Planète Rap Miséricorde, mais je me souviens pas de tous les gens qui sont passés. Je suis désolé. Sabrina, excuse-moi, mais. Sabrina était là et franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant et c'est pour des raisons professionnelles, tu vois, que je voulais vraiment que ce soit elle parce qu'elle est talentueuse, il n'y a rien à dire, mais c'est aussi pour des raisons humaines, tu vois, on partage le même état d'esprit de simplicité et en même temps de performance. Donc voilà, pour moi, c'était les deux critères de sélection. Magnifique. Et voilà. Demande-moi, Fred. Quand tu sais. Alors Marc, tu étais dans quelle Planète Rap? Explique. J'ai vu assister. Lui, il était au Planète Rap d'NAP. Il y a quelques années, c'est 98. C'était ça, en 99. 99 par là, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, t'étais là et tu disais, putain, t'avais déjà le flow d'ailleurs d'Abdel Malik. Ouais, pompé... ouais, moi je préparais le rôle. T'avais pompé le flow, ouais, direct. Le flow. Toi, pareil, pas d'hésitation quand t'as rencontré Malik sur le scénario, sur tout ça, t'as eu envie de le faire tout de suite? Ah non, ouais, aucune. Déclic immédiat, ouais. Déclic vraiment immédiat parce que ça. Le scénario transpirait de vérité, quoi. Et Malik aussi, c'était une évidence, évidente. Toi, ton parcours, comme on en parlait avec Sabrina à l'instant, c'est quoi ton parcours jusqu'au milieu du cinéma? Moi, j'ai toujours voulu être acteur depuis que je suis enfant. Donc j'ai pris des cours quand j'étais gamin, j'ai participé aux comédies musicales à l'école quand j'étais gamin, les trucs. Toi, tu viens d'où, Marc? Bruxelles, Belgique, ouais. Ouais. Et puis j'ai étudié la réalisation cinéma et puis après j'ai fait le conservatoire de Bruxelles en jeu d'acteur. Et puis là maintenant ça fait 7 ans que j'ai. Mais ça marche bien en plus. Ouais, ça se passe bien, voilà. Ça se passe super bien. Du théâtre, je tourne un peu et tout, donc c'est cool. Ouais, et puis là, mercredi, donc qu'Allah bénisse la France, ouais, à pas louper. Yes. On balance le morceau bien ou bien, Wallen? Ouais, on y va. C'est toi qui commande, donc je peux y aller. On y va. Le savant fou est prêt. C'est ça. Si elle dit on y va, on y va. On a du style depuis qu'on est tout petit. Ici le diable s'habille en Sergio Tacchini. On le voyait dealer de la mort devant le bloc. Nous on voulait être ailleurs, loin des soucis. Et que la chance vienne prendre de nos nouvelles. Les parents vieillissent, bien ou bien, bien ou bien, bien. petit frère Séphérès. Je passerai voir ta mère, je sais qu'elle encaisse. Entre le taf et les gosses à élever seul, tu te sens démuni. Tu voudrais l'emmener ailleurs, loin des sous. S'appelle Bien ou Bien, il est sur la bande son qui sort lundi. Wallen qui a réalisé cette bande son et puis le score. Alors le score, c'est les musiques qu'il y a pendant tout le long du film. Avec quand même, il est là, hein. C'est l'ambianceur numéro 1, je crois, de l'équipe. Bah oui, Bilal. Exactement. Et d'un seul coup, l'émission va prendre un autre tournant. Parce qu'il prend le micro. Attention. Attention. Bilal, comment va? Vous allez entendre sa voix. Ça va bien. Et toi, Fred, comment vas-tu? Bah écoute, en pleine forme, c'est plaisir de te voir aussi. Plaisir partagé. Ça a été un sacré boulot. Donc le score, ouais, il faut bien différencier de la bande-son que vous retrouverez, qui a été inspirée par le film. On en a parlé. Le score, c'est voilà, choisir les bons moments, choisir la musique qui va avec des séquences de films. C'est aussi, c'est un sacré boulot, on se rend pas compte, mais ça fait partie aussi de la dynamique du film. Toi, tu t'es occupé de toute cette partie. Si on veut. Ne sois pas modeste, s'il te plaît. Non, si on commence veut, pas, ne commence pas comme ça, je sais. Franchement, je sais pas quoi dire. Tes réponses sont courtes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Bilal? Non, mais il faut que j'explique ce qui se passe. Explique, parce que je l'ai jamais connu comme ça. Là. Donc, Bilal, tout à l'heure, était en train de nous dire, mais quand même, mettez un peu plus d'ambiance. C'est bien de parler, mais il faut chauffer un peu. Et au moment maintenant où. Il était fâché quand il a dit ça. Donc, au moment où tu peux chauffer, c'est le moment ou jamais. Donc, Fred lui pose la question pour rapport à son travail qu'il a fait, le score, le travail avec Laurent Garnier, etc. Bah, à toi d'expliquer maintenant le processus. Attends, je vais poser une question. Quel a été ton boulot, ton rôle sur le film? Voilà. Figurant. C'est vrai. Scène du mariage, scène du grec. Attends. Non, mais plus précisément en rapport à la musique, évidemment. Non, mais c'est vrai que la musique du score rajoute vraiment. rajoute vraiment au film et à certaines scènes. Ah ouais, franchement, parce que c'est très très original, je trouve. Bah pour raconter le processus, parce que comme Bilal vraiment. Non, mais faut dire aussi que moi j'ai pas. Voilà, il est bon, il est chaud. Non, j'ai pas écouté encore le résultat. J'ai pas écouté les zik. Moi j'ai écouté juste la BO avec le travail de Nawel. Franchement, tueur. Mais le reste, j'ai pas. Quoi, quand t'es allé voir à l'avant-première. Tu t'es pas, t'es pas concentré sur les musiques. Ah, c'est cette zik que vous parlez. je savais pas. Tu veux peut-être donner la définition du score, hein, oui. Malik. Je vais donner la définition du score, voilà, à celui qui a fait le score. Voilà. Il faut comprendre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour nous, Strasbourg et le Neuf étaient un personnage à part entière. Et en fait, pour lui donner vie et corps, on voulait une musique qui, dès que t'entends, tu te dises, bon, je suis ni en banlieue parisienne, ni dans le sud de la France. Enfin, je suis. Et en fait, nous, comme on est frontaliers, on a grandi avec la musique électronique. Mmh. Et c'est vrai que avec l'Allemagne. Donc pour nous, c'était donc Bilal, il a commencé à travailler. Sa musique, elle était très, je dirais très électro. Mmh. Et on a avancé tout ça. Et plus on avançait, Bilal, c'est lui qui a eu cette réflexion. Il disait, il faut aller encore plus loin et appelons Laurent Garnier. Et Laurent Garnier, c'est quand qui est juste le pape de l'électro, quoi. Exactement. Qui a été un des précurseurs en France, qui est là depuis des années, à fond. Qui a aussi popularisé aussi cette musique et qui totalement. Et qui continue à tourner d'ailleurs dans le monde entier. Ah ouais, qui est vraiment l'un des fleurons, de cette musique. Et nous on l'a connu avec Bilal parce qu'on avait fait, je crois que c'était en 2008, on avait fait un grand concert à Montreux au Miles Davis Hall. Et le lendemain, Laurent Garnier aussi faisait dans la même salle, il faisait son concert et il est venu nous voir. Il a voulu qu'on reste pour qu'on participe avec lui à son show. Donc on est resté et on est devenu amis depuis. Et c'est vrai qu'on voulait travailler ensemble, etc. Et on n'avait pas trouvé ni le projet ni l'occasion. Et là, c'était une occasion en or, disons. Et là, c'est là où Bilal dit on amène Laurent et on va pousser. Il entre dans le jeu. Et c'est ça. Et donc eux deux s'envoient les trucs, ils commencent à échanger, ils avancent musicalement et tout. Et ça a donné Bilal, oh, il s'en va. Ce qu'on a à l'écran, quoi. Donc voilà. Donc Bilal, tu pars en 12, Alma. J'ai fini. Ah, t'as fini. Donc, bah, écoute, c'était une belle participation. Bilal est un homme de peu de mots et il s'exprime avec sa musique. Avec sa musique. Et voilà. Vous le découvrirez donc mercredi sur grand écran. Exactement. Bilal, c'était cool. Tu veux ambiancer, balancer 2-3 trucs. Tu veux que je te mette de la réverb. Tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Ok, comme tu veux, tu me dis. Bon, bah, écoute, un autre morceau dans un instant de la bande-son. Juste avant, je vous présente. C'est Scribe de Macon. Salut, Scribe. Salut. Ça va bien, c'est l'heure du freestyle. Salut, par Scribe. Téléphone. Salut. Bienvenue. Salut, dans ce Planète Rap consacré au film Kala bénisse la France. Tu es prêt à rapper, Scribe? Je suis prêt. Et toute la semaine avec les rasoirs Click and Style de chez Philips. Vous repartez évidemment pour tous les freestylers avec un rasoir. Et allez faire un tour sur le skyrock.com/shaveandplay pour défier Youssoupha et Cut Killer notamment. On fera ça prochainement dans l'émission. Parti pour le freestyle? Ouais. Scribe de Macon. C'est parti, on t'écoute, mon pote. Ok. Est-ce qu'à arriver? Yeah. Hein. Ça fait. Ok. Non. Ok. Fais que. J'écris un soir de pleine lune. Je balance des rimes sur le cahier hip-hop. Et rappelé, je suis en pleine cure, en pleine bourre. Mes mots dansent comme sur une corée, je peux être aussi violent comme l'attouchement d'un putain de furet. Hey, 2015, y'a la nouvelle cuvée, c'est peu scrit. Je m'en bats les couilles des groupes, des culvés. C'est vrai que le niveau est élevé, je fais trop vite, flash PD. Sac de frappe dans la cabine, vodka flash donc pété. Hein. Wanna check le flow, wanna box avec les mots, c'est Wonderbox, c'est cadeau. À la one again, on le fait. Je passe mes nuits blanches à gratter, à taffer, je suis insomniaque. Je tourne à la répule et au café. Hey, certains vendraient leur mire juste pour une place sur Bootcapé. Y'a tellement de rap de merde, faudrait inventer le site Bootcap route. À travestir ma vie pour être au creux de la vague. Je préfère avoir un frigo plat, mon pote, qu'avoir du swag. S'il y a de la qualité, je m'en tape les poules de ton maillot. J'écris ce couplet devant une boîte de ton maillot. Hein. J'ai violé Smith à la Dominique Strauss. Touche à un neveu, tu vas te manger une putain de bougnatos. Mundo, stress, Maria, on est des parias. On fait du rap et pas du mannequinat. Pas besoin de maquillage, t'es mains. Je reste un mec vrai, mec, je suis tout sauf un con. Tellement fauché pour sortir un album, faudrait que j'appelle le Sofinco. Hein. Faudrait que je m'enlève les doigts du cul, surtout. On dit que le talent est là, mais le succès, t'es où? J'attends, mais dans le fond je m'en bats les steaks. Et puis qui sait, peut-être que je fais partie de Urban P7. Mais pour l'instant c'est une option, j'en fais pas une fixette. Car mon avenir c'est derrière une poussette et pas dans un Q7. Hein, elle est loin l'époque de la cassette. L'époque où ça rappait sans jamais se prendre la tête. Hein, l'époque où on se foutait d'internet. L'époque où pour l'écran j'allais chercher la canette. Et ça fait clic clic bang. Équipe la grave et ça fait clic clic bang. Équipe rend dingue, c'est peu scrit. Les oreilles, je viens les lustrer. Un blanc qui fait du rap, avoue que ta grand-mère en est frustrée. Eh, okay, j'ai pris la feuille pour un sac à frapper. Un exutoire gros et le freestyle est haché. Ok. Parfait, Scrib, bravo, de Macon. Bravo, bravo, bravo, Scrib. Bravo, bravo, Scrib. Eh ben tiens, loupe pas, toi, du côté de Macon. Il va sortir partout le film Qu'Allah bénisse la France. C'est mercredi sur grand écran. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Franchement, ça promet, ça promet. Ah, merci beaucoup. Eh ben, merci. Surtout pour quelqu'un qui fait du rap comme moi, c'est vrai que ça donne envie. Bon, ça fait plaisir, super. Frère. Ça fait plaisir. Bon merci courage, à toi. On peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer des adresses on peut te suivre. Ouais, j'ai une page Facebook. C'est Scrib compte officiel. Donc SKRIB. J'ai un EP qui va sortir le 27 mars 2015 sur iTunes. Mm-hmm. Avec un featuring de James Dino. Terrible. Un belge, justement. Ah bah, un compatriote de Marc. Que je salue, qui est un ami. Que je salue, ouais. Ouais, je lui fais un big up aussi, on sait jamais s'il écoute. Ouais. Et puis voilà, autrement aussi un peu de promo. J'ai un poteau aussi, Gino, qui a sorti un album, Gino de Marseille. Un album, c'est Grande Zero. Franchement, c'est une vraie petite perle. Enfin, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter au moins. Eh ben merci à toi, Scrib. Le message est passé. Voilà. Merci. Et si je peux juste faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Juste à Samoan, Vegas, Joël, tous mes cousins, ma famille, ceux qui me soutiennent, enfin tout le monde, et aussi quelqu'un que vous connaissez très bien. Et j'ai eu la chance de faire un featuring sur son dernier album avec lui, c'est Mystique. Mystique. Voilà, c'est comme un grand Mystique. Eh bah, terrible. Dédicace à Mystique. Ouais, on Mysticamente. Mysticamente. C'est ça. À plus, Scrib. À plus, merci. Ciao, passez une bonne soirée. Marc, l'heure est venue de freestyler maintenant. C'est parti. Mais je sais pas rapper, moi. C'est vrai? Mais... Pourtant, attends, tiens, quand on écoute ça, on se demande parfois. C'est la bande annonce du film. Planet Rap, on skyrock. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, ok. Il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave ce qu'il dit. Oh, toi, t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là, on te voit tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Gilles va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. On se dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le tâche, c'est grosse peine. Y'aura pas de groupe de peur à rien. T'as besoin de genre art? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. Tu t'es choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la Laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde au courant qu'on passe à Planet Rap ou quoi? Bah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé Planet Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On doit pas se sentir étranger dans le pays. Et notre pays, c'est la France. Ok. Voilà, tu rappes? Mais oui, rap. Mais ouais. Sont mes seuls bling bling. Mais oui, ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling bling. Bling bling. Eh oui, punchline. Ça, c'est de la punchline, ça. Hein. Ouais. Mais c'est pas de moi. Ça envoie. T'écoutais quoi, toi, Marc, comme son en Belgique? Beaucoup de rap aussi ou... Ouais, j'écoutais beaucoup. T'as été bercé l'électro parce qu'on parlait de l'Allemagne, mais évidemment, la Belgique aussi. Hein. L'électro, c'est venu plus tard, mais j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais adolescent. J'écoutais beaucoup de rap, beaucoup de funk, du rock aussi. Et voilà, et dans le rap, j'écoutais beaucoup de IAM, de ce qui venait de Marseille, NTM et NAP en fait. J'ai beaucoup écouté le groupe de Malik aussi. Ouais. Bon, yes, t'as jamais tenté NAP. De rapper, même à une époque? Si, j'ai rappé, ouais. Il y avait un blaze en particulier ou pas? T'avais un blaze? Lâche, c'est des dossiers. Ben justement, on est là pour ça. Donc nous, c'était la RS, donc on était le. On était un crew à Bruxelles. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes potes à Bruxelles, en particulier le souterrain crew CNN, Picho, Rival. Ah, Picho, spécial dédicace à Picho. Dédicace à tous mes gars là-bas. Et on a, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans. Et RS, c'était pourquoi? RS, au début, c'était Résistance. Mmh. Ouais. Et puis on a gardé juste le le RS. En fait, on mettait des initiales, quoi. C'était un truc. Bah, c'était eux, plein époque. De choses en même temps. Ouais, c'est ça. Mais tu as esquivé quand même ton blaze, donc reviens dessus. Ouais. Je suis désolé, mais. Et c'était quoi? C'était un poste. Un chiffre et puis PO2S. Et ça partait de imposteur parce qu'en fait. Ah bah justement, j'allais dire attention avec des noms comme ça. Ouais, c'est ça. Ça peut mal finir. Ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que. j'ai toujours considéré que je faisais du rap, mais. Juste pour déconner, pour triper. Et j'étais acteur, donc je faisais du rap, mais. Donc tu sentais un peu imposteur, quoi. Voilà, c'était authentique. Non, c'était pour signaler que ceci n'était pas une opération sérieuse. Ah, d'accord. Un poste, pas mal, hein, quand même. Voilà. Tu savais, toi, Malik, qu'il est rappé ou pas, qu'il s'appelait un poste? Non, qu'il s'appelait un poste, non. Dans un instant. Sinon, il n'aurait pas été dans mon film. Il me dit un poste. Je dis non, un poste, mon frère, ça va pas le faire. Salam. Et attention, dans un instant, exclu, on vous révélera le blaze de Sabrina, qui rappelle aussi. Elle aussi. Qui est sévère à la Courneuve. Et d'ailleurs, elle va faire un freestyle. Elle aussi, avec Marc. Je travaille ça depuis hier. Juste avant, on attend de mettre un morceau, Wallen. Ouais, bah écoute, comme Bilal est là, on va passer Trauma. Trauma, allez. Ah bah oui, Trauma. Et bah allons-y. On parle d'électro, donc allons-y. Un petit mot sur Trauma. Comment il est né, celui-ci? Bah écoute, t'étais en cuisine absolument... et une idée d'un seul non, coup. Non, c'est Bilal qui l'a composé. Celui-là. Je tenais absolument à ce qu'il me fasse un morceau, en fait. Comme j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui produit de manière vraiment originale. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie d'un morceau électro et voilà, c'est comme ça que Trauma est né. Et bon, on l'écoute maintenant. Ça sort lundi, la bande-son du film Kala, bénisse la France. Maman est là, allongée là, morte pour de faux, une épée laser plantée dans le dos. Célibataire, sa vie d'avant, elle se l'est mangée dans les dents. Et ça trime, ça se tue, et ça sait plus comment tenir debout. Et ça trime, ça se tue, et ça sait plus comment tenir debout. Trauma, idée. Alors soit tu la boucles, soit tu finis dans le vide. Mais qu'a-t-on fait? L'aîné dit qu'il s'emballait. Le point du destin, c'est dans les reins qu'il se l'est mangé. Et ça trime, ça se tue, et ça sait plus comment tenir debout. Et ça trime, ça se tue, et ça sait plus comment tenir debout. Trauma. Maman, mes frères et moi, on était seuls, craignant tous qu'on ne se dérobe le sol. Sale vie que la survie, cicatrisée, traumatisée par la tise. Sale vie que la survie, cicatrisée, traumatisée par la tise. Skyrock et c'est le Planète Rap consacré au film Kala bénisse la France et ce morceau de dingue. Yes, produit par Bilal, ouais, avec Wallen. Trauma à l'instant. Trauma. Ça sort lundi. Deux jours avant le film qui lui sort mercredi. La bande son, on la retrouvera aussi demain entre 20 et 21. Avant de se quitter, Malik, et comme il y a une bonne partie du casting, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ils sont là dans le studio ce soir. Qu'est-ce que tu ne leur as pas encore dit? Moi, je vais te devancer. Ah, Wallen, vas-y. Déjà, ah, je leur dis bravo. Vraiment bravo. Il y a un passage du film où vraiment j'ai pleuré. Je raconterai pas ce passage, mais c'est ce film, c'est aussi l'histoire d'une grande amitié et d'une fraternité. Et dans les quartiers, c'est vraiment sacré ça. Quand on a des amis, on en a peu, mais ils sont là. Voilà, ils sont là pour de vrai et ça raconte ça aussi. Et donc bravo, franchement bravo. Le fait qu'ils aient jamais joué, justement, je pense que ça sert le réalisme. Et la poésie, et donc voilà, vraiment bravo les gars, bravo, ouais, bravo. Ben moi je dirais pareil, vraiment je vais vous dire bravo, mais je veux vous dire aussi un truc, c'est que, et là c'est à tout le monde, même Marc, Sabrina, compris vous tous, c'est qu'en fait, en participant à ce film, on participe à quelque chose qui est plus grand qu'un film. C'est-à-dire pour la première fois, il y a vraiment des gens qui viennent de ce milieu-là, des gens qui viennent de la cité, des quartiers, et en vérité, on est en train de donner du courage à toute la France, à tous les gens de tous les quartiers, et on leur montre qu'on peut faire des choses ensemble. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que en faisant ça, vous amenez un exemple qui est incroyable pour les petits frères, pour tout le monde, pour tous ceux qui croient que c'est pas possible, que c'est possible. Et c'est pour ça que je rebondis en disant que ce film, on l'a fait, mais il est pas à nous en fait. Nous on a fait notre part du travail. Vraiment, il est au public, il est aux gens. C'est pour ça que je dis aux auditeurs de Skyrock d'aller le voir en force, en masse. Parce que même pour faire ce film, on est passé par des difficultés, par des choses. On peut pas tout dire ici, mais parce que justement on vient des quartiers, on a eu des difficultés aussi pour faire ça. Et c'est important que les gens du quartier, les gens des cités, que tout le monde soutienne ce film. C'est hyper important. Et puis c'est ce que tu disais, il y a eu des difficultés, alors pas forcément parce que ça reste dans le milieu du cinéma, etc. Mais voilà, c'est aussi se battre quand on a une idée en tête, c'est pas abandonner au moindre coup, c'est voilà, continuer à avancer surtout. Continuer à avancer, et ça c'est important, et je pense que ensemble on a fait la preuve, voilà, qu'on baisse pas les bras, mais non seulement qu'on baisse pas les bras, mais qu'on est capable de faire un grand film. Et ce film, et c'est pas parce que je l'ai fait, Zahma, je dis ça, tu peux. Je le pense réellement, c'est un grand film parce que c'est le genre de film. Tu sais, ce film, c'est la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire, c'est un film où tu vois la diversité de la France et tu vois ce qu'on est capable de faire et tu vois qu'on est une équipe qui gagne. Et c'est la France d'aujourd'hui. Et dans cette France, t'as des Mike, t'as des Laroussi, t'as des Matteo Falcone, t'as tout le monde, t'as des Sabrina, t'as des Marc, t'as des tout le monde en fait, toute la France est là, t'as des gens, t'as des musulmans, t'en as d'autres qui le sont pas, et on est heureux d'être ensemble. Donc soutenez, c'est vraiment important parce que je pense qu'il y aura un avant et un après ce film. Bien sûr, vous, les auditeurs de Skyrock, vous le faites cartonner, il y aura un avant et un après. Voilà. Bien merci en tout cas à vous tous d'avoir été là ce soir pour l'émission. Merci Sabrina, merci Marc, merci Mike, merci Laroussi, merci à toi. Falcon, qui était là aussi avec nous ce soir, Bilal qui était là, merci à Malik, merci à Wallen, merci à vous tous. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre la tournée 2015 de Nawel Madani. Kelly Danger, ça va bien Kelly? Ça va et vous? Eh ben écoute, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette? Bah ouais, carrément. Eh ben on y va, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et eh ben voilà, tournée Nawel Madani, il y a deux places qui t'attendent à Nantes le 21 mars prochain, c'est pour toi Kelly. Je suis trop contente, merci Skyrock. On te fait un bisou Kelly. Ouais, gros bisous, merci. Ciao, bonne soirée. Au revoir. Et demain on revient pour la dernière. Yes, Malik, on revient pour la dernière. Wallen, tu seras là aussi. Il paraît qu'il y a peut-être du live demain. Il y aura quelque chose. Entre 20 et 21. Merci à vous tous. En tout cas, merci Sabrina. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Marc. Merci à Mike. Je disais à Laroussi et tout le monde d'avoir été là avec nous. Et longue vie au film Kala bénisse la France. Merci, ciao. Merci. Bye. On se dit full. C'est parti maintenant. C'est la radio libre sur Skyrock. Et ouais, c'est parti jusqu'à minuit, Fredo. Yes. Bien. Eh ben, on y va. Toute l'équipe est là. Tu as été faire du sport. Petit footing. Mon petit footing du jeudi soir. Tu as été faire du sport comme chaque soir avant. Voilà, au marché de Noël. Non, mais évitez les marchés de Noël. Si là, vous c'est avez... bordel, hein. Oui, un petit peu. Okay. Je vais te ramener une raclette, Fred, j'ai pas eu le temps. Ça sera pas pour ce soir. Désolé. Demain, peut-être. Peut-être pour demain soir. Qui sait. Demain soir, à pas louper, 20h-21h, le Planète Rap. Apparemment, il voulait te ramener une victoire du PSG aussi, mais il a pas trouvé. Ah, vas-y, Samy, vas-y. Samy, il a préparé sa blague pour toi depuis hier soir. Non, pas du tout comme ça. Si, tu l'as depuis hier soir. Depuis hier soir, spécialement pour toi, Fredo. Dans un instant, il y a un petit blind test. Écoute bien, Fredo. On fait durer le plaisir. Mais grave, gros. Vous, amis marseillais. On fait durer le plaisir, mais on fait pas que ça. Il y aura aussi dans un instant. Et tiens, petit blind test, Fredo. Ah, moi j'adore ça. Allez. Ah, pas mal. Wow. Et si on organise une soirée karaoké, je te prends. C'est Black M. J'adore ce morceau. Ouais, moi aussi. On se fait du mal, c'est on ça On se fait du mal, ouais. Eh bien, c'est parti pour Black M pour démarrer la soirée jusqu'à minuit. Radio Libre avec toute l'équipe qui est là. La Marie. Ouais. Cédric, ouais, Romano, ouais, ouais. Samy, ouais. Karim, ouais. Momo. Ouais. Et vous tous en direct de toute la France, vous nous appelez dès maintenant 01 53 40 30 20. On se fait du mal. C'est Black M. On l'écoute tout de suite. Et la la la la. Et on arrive tout de suite en direct sur Skyrock. Bonne soirée, Fredo. À demain. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.